Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 19 décembre 2020. Voici les grands titres de cette grande édition. 18 pharmacies viennent d'être fermées en province Lomongue pour usage de faux documents, annonce le porte-parole du ministère de la Santé, qui rappelle que la mesure de suspension temporaire d'octroi des autorisations d'ouverture des officines pharmaceutiques reste en vigueur. Une des recommandations formulées à l'issue jeudi de la revue sectorielle de l'éducation est un appel au gouvernement pour qu'il puisse doter des centres d'enseignement des métiers, des équipements adéquats et des enseignants qualifiés. Vous entendrez les précisions du porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Et lancement ce vendredi de la campagne de pulvérisation, de fertilisation et de plantation de café. L'activité a eu lieu en commune Mutumba de la province Karoussi. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture a rassuré que les caficulteurs ne connaîtront plus de retard dans leur paiement. Et en actualité africaine, 6 personnes, dont 3 hauts gradés de l'armée, ont été tuées vendredi dans un attentat suicide dans le centre de la Somalie, devant un stade où le Premier ministre Mohamed Hussein était attendu. Bonjour. Le ministère de la Santé publique rappelle que la mesure de suspension temporaire de l'octroi des autorisations d'ouverture des pharmacies est toujours en vigueur. Dans une conférence de presse de ce vendredi, le porte-parole du ministère a indiqué qu'il y a ces derniers temps des gens qui se disent être des collaborateurs du ministre de la Santé et qui donnent de faux documents aux demandeurs de ces autorisations. Jean Bosco Girukishak a fait savoir que déjà, 18 pharmacies viennent d'être fermées à Lomongue pour usage de faux documents. On l'écoute. Depuis le 2 juillet 2020, le ministre a pris une décision de suspension temporaire de toute nouvelle demande d'ouverture des pharmacies. Mais parallèlement, on a constaté qu'il y avait 228 dossiers qui étaient déjà enregistrés au niveau de l'inspection de la régulation des accréditations et dont le traitement a continué normalement. Et on a constaté qu'il y a plusieurs documents fraudulés à travers tout le pays. On a enregistré, pour les inspections récentes au niveau de la province de Lomongue, on a enregistré 18 pharmacies et il y a des documents fraudulés dont le ministre a pris des décisions de fermeture de ces dernières. Et à entendre ces promoteurs, c'est qu'ils ont donné de l'argent à des gens qui disent collaborer avec le ministre ou communiquer avec le ministre, ou certains de ses collaborateurs en disant qu'avec cet argent, et donc, il faut avoir en échange les autorisations d'ouverture. On constate qu'ils se rendent à Bouyenzi ou dans d'autres quartiers où on fabrique des documents fraudulés et falsifiés. Et ces promoteurs et donc, sont spoliés donc, de cette façon. On demande donc à ce sujet aux promoteurs des pharmacies d'être prudents et vigilants et au cas échéant, demander audience au ministre, aux autres collaborateurs, dont le secrétaire permanent ou l'assistant, pour pouvoir avoir des informations claires à la matière. Le porte-parole du ministère de la Santé, Jean Bosco Girukishak, dont les propos ont été recueillis par Aubin Nyonguru. Les syndicats SINAPA et SNTS dénoncent ce qu'ils qualifient d'ingérence du ministre de la Santé publique dans l'organisation et le fonctionnement de ces syndicats. Les responsables de ces syndicats craignent des conséquences négatives de cette ingérence sur leurs syndicats. Le porte-parole du ministère de la Santé indique que les portes sont ouvertes pour le dialogue sur toute question. On fait le point avec Moïse Misago. Les responsables de ces syndicats des travailleurs du secteur de la santé déplorent le comportement du ministre de la Santé publique comme quoi il enfreint la liberté syndicale. Ils estiment que ce comportement pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur organisation. Mela Sakidima Ana préside le syndicat SINAPA. Les irrégularités lui reprochées sont les suivantes. Ingérence dans la gestion des cotisations syndicales et le fonctionnement des syndicats alors qu'il n'en est pas membre. Il a prononcé lui-même que si on demandait l'issue des cotisations des membres des autres syndicats de son secteur, il n'aurait pas de réponse. Oubliant que le contrôle de l'utilisation des faux syndicaux est du ressort des organes habilités de chaque organisation. Secondo, l'atteinte à la liberté syndicale. Plus grave encore, il accuse le SINAPA d'emprisonner et d'interdire ses membres à adhérer au SINAPS. Il oublie que la loi nationale et les conventions internationales de l'OIT, ratifiées par le Burundi, précisent que l'adhésion à un syndicat est totalement libre, dénuée de toute ingérence de qui que ce soit, et pire encore, l'autorité publique. Au sein du ministère de la Santé publique, l'on indique qu'il y a un cadre de dialogue pour trouver des solutions aux problèmes de ce secteur. Docteur Jean Bosco Girkishaka, porte-parole de ce ministère, rétorque. Le ministre a participé à une activité de lancement de la coopérative COSENA. Dans son allocution, le ministre a souhaité qu'en plus de défendre les intérêts du personnel, les responsables des syndicats devraient aussi appuyer ou soutenir les activités de développement. On a constaté que les responsables des autres syndicats ont mal compris son message. Il a également rappelé que l'adhésion ou le désengagement de tout travailleur en un syndicat se fait librement. N'importe quel responsable du syndicat ne peut donc obliger donc un travailleur ou un fonctionnaire à rester dans son syndicat alors que ce dernier ne l'aurait pas. Les responsables des syndicats SINAPA et SNTS affirment leur soutien au gouvernement pour la tolérance zéro et réaffirment leur engagement et détermination à dénoncer toute tentative de mauvaise gouvernance qui sera portée à leur connaissance, conclut-il. Moïse Misago. Et le ministère de l'Éducation nationale devrait équiper les centres d'enseignement des métiers en matériel didactique et y affecter des enseignants qualifiés. C'est l'une des recommandations issues de la revue sectorielle de l'éducation qui a pris fin jeudi. Les participants à cette revue ont aussi recommandé le recrutement chaque année des enseignants pour pallier le problème d'enseignants qui s'observe dans ce secteur. Suivez plutôt Liboire Wigirimana, c'est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Plusieurs recommandations ont été émises par rapport à cette revue qui vient de durer 3 jours. Il s'agit de l'axe accès, l'axe qualité, l'axe équité et l'axe pilotage. On a recommandé de passer à la construction des salles de cours en suivant les normes et les standards et réhabiliter les salles de classe. Parce qu'on remarque que à partir des données qui sont récoltées au niveau des directions provinciales, il subsiste un problème de salles de cours. Alors, les participants à la revue ont recommandé de passer à une vitesse supérieure en termes de construction de salles de classe et en termes de réhabilitation des salles de classe qui existent pour le moment. Au même chapitre de l'axe accès, c'est que les participants à la revue ont en fait recommandé à équiper les centres d'enseignement des métiers et de la formation professionnelle et à leur doter des enseignants assez qualifiés. Au niveau de l'axe qualité, on a émis aussi plusieurs recommandations. La première, c'est de pouvoir passer au recrutement des enseignants ayant la qualification requise pour pallier au manque d'enseignants. C'est même chose, on a des rapports de la part des DPE qui montrent bel et bien qu'il y a un problème d'enseignants sur terrain. Alors les participants à la revue ont recommandé de passer au recrutement des enseignants assez qualifiés pour dispenser un enseignement de qualité. Sur ce même chapitre, on a recommandé de renforcer régulièrement les capacités des responsables scolaires, des formateurs, de tous les sous-secteurs. C'était Liboire Wigirimana, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Les cultivateurs de café de la colline Mouaragaza de la commune Mutumba en province Karoussi espèrent que la production de café va augmenter cette année du moment qu'ils ont reçu de nouveaux plans de caféiers et que le secteur du café est dans les mains de l'État. Ils ont dit cela ce vendredi à Mutumba au moment où le ministère en charge de l'agriculture a lancé la campagne de pulvérisation, de fertilisation et de plantation de café dans tout le pays. Le secrétaire permanent du ministre a fait savoir que les caféiculteurs ne vont plus avoir de problème de paiement à temps. Arthur Kawabushi, reportage. ikinogo tuchimba kuri santimetero 60 z'ukika na santimetero z'ubujakuzima 60 nyine n'ukuvuga rero ni 60 ku 60. C'est un moniteur agricole qui démontre la technique de plantation du plant de caféier. Ce caféquiteur de la colline Mubaragaza en commune Mutumba dans la province Karusi espère que le fait d'avoir placé le secteur du café dans les mains du gouvernement va apporter un changement. Nous avons bien accueilli ce projet et c'est pour ça que l'on pense que dans les jours à venir, même la valeur ajoutée sera visible car actuellement, nous voyons que le suivi est rigoureux. Pour cette femme, il y a un avantage aujourd'hui du fait que pour cette année, ils ont eu de nouveaux plants de caféiers. L'avantage du café que nous avons cette année, c'est que premièrement, nous venons de recevoir de nouveaux plants de caféiers avec lesquels nous commençons cette nouvelle année. Et nous avons vu que si le climat est bon, même la production sera bonne vu ces plants. Le secrétaire permanent du ministère de l'Agriculture, Emmanuel Ndolimana, indique que le retour du secteur café dans les mains de l'État va permettre d'augmenter la production et que les caféiculteurs n'auront plus des problèmes de paiement. Nous venons de lancer une campagne de privatisation et de fertilisation au moment où le secteur café revient à l'État. Vous le savez, avant, le secteur café a été libéralisé dans les privés, mais pour le moment, le secteur café est contrôlé par l'État. Avec cette campagne que nous venons de lancer, la campagne de privatisation et de fertilisation, ça va nous permettre d'augmenter la production d'abord, mais aussi d'avoir du café de bonne qualité pour la vente au niveau mondial. Je pense que pour le moment, ce n'est pas question de les tranquilliser. Ils sont courants déjà. Et l'année passée, il y a des commerçants qui n'ont pas payé les caféiculteurs. L'État a pris la décision de les payer. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de problème. Dans cette campagne, le programme PACC ça a donné près de 7 millions de plants de caféiers, des pulvérisants et du matériel dans 6 provinces où ils travaillent, à savoir Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Karusi et Gitega. Depuis la colline Mubaragaza de la commune Mutumba en province Karusi, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi, toujours dans les nouvelles des provinces. 200 jeunes des 8 provinces du centre de l'Est du Burundi s'engagent à se regrouper autour des actions de consolidation de la paix et de développement durable. Ils demandent cependant à l'État de prioriser des actions en ces domaines et spécialement celles des jeunes. Et cela est ressorti d'une session de dialogue intergénérationnel organisée par le collectif pour la promotion des associations des jeunes CPAG à Gitega. C'était ce vendredi. Jean Dodieu, Irakodze. À la suite d'explications en matière de consolidation de la paix et du développement durable, dans ce dialogue intergénérationnel, les jeunes relèvent les défis majeurs dans ces domaines. Les 200 jeunes venus dans 8 provinces du centre de l'Est et du Burundi appellent l'État à prioriser les actions en faveur de la consolidation de la paix et du développement durable. De leur côté, ces jeunes ressortissants des provinces de Gitega, Muramvya, Karusi, Mwaro, Rutana, Cyankuzo, Makamba et Ruyigi se sont engagés à se regrouper autour des actions de consolidation de la paix et du développement durable. Jeannette Kem, représentante du bureau d'ONU Femmes au Burundi, a exhorté ces jeunes à avoir une vision afin de créer des mouvements de consolidation de la paix et de développement durable. Vous avez parlé de besoin d'une vision commune. Je vous encourage vraiment en tant que jeune d'avoir cette vision. Ça commence par une personne, ça élargit à tout le monde. Première chose, sortons d'ici avec une vision. Déjà, nous sommes à peu près 200 ici en salle. Si seulement cette groupe sort d'ici avec une vision très claire, partagée par tout le monde, pour un paix et un développement durable au Burundi, ça peut être le noyau qui va élargir pour commencer un mouvement de jeunes pour la paix. Ce dialogue intergénérationnel est organisé par le collectif pour la promotion des associations de jeunes, CPAJ, avec le soutien de l'ONG, American Friends Service Committee et le bureau ONU Femmes du Burundi. Depuis Gitega, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. Merci Jean de Dieu Irakoze. En bref, avant l'actualité internationale, après avoir appris le décès inattendu et prématuré de l'ancien président de la République, Pierre Buyoya, Le parti Uprona, dont il était militant, adresse ses sincères condoléances à sa famille biologique, au gouvernement du Burundi, au Badasigana et à toute la population burundaise. Dans un communiqué rendu public ce samedi, au lendemain de l'annonce de cette disparition de Pierre Buyoya, le parti Uprona salue la mémoire du grand homme politique qu'il fut et qui laisse une empreinte dans l'histoire politique du Burundi. Selon l'Uprona, avec la disparition du président Buyoya, le Burundi et l'Afrique viennent de perdre une personnalité politique riche d'expérience. Actualité internationale. En actualité internationale, je vous l'avais dit, 6 personnes, dont 3 hauts gradés de l'armée, ont été tuées vendredi dans un attentat suicide dans le centre de la Somalie, devant un stade où le Premier ministre Mohamed Hussein était attendu. Et au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel valide la réélection du président Kabore. Malgré les anomalies et des irrégularités constatées, le Conseil constitutionnel a déclaré le scrutin régulier, transparent et sincère et validé la victoire du président sortant Roch Marc-Christian Kabore au premier tour. L'Union africaine a inauguré son observatoire des migrations au Maroc ce vendredi, basé à Rabat. Cette plateforme d'études aura pour mission de collecter, d'analyser, d'échanger des données pour une meilleure gestion des migrations. Le lancement de l'OAM avait été annoncé en décembre 2018 à Marrakech en marge de l'adoption du pacte mondial de l'ONU pour des migrations. L'Union africaine prévoit d'ouvrir 2 autres instances dédiées aux migrations, un centre d'études et de recherche à Bamako et un centre opérationnel à Khartoum. La migration en Afrique est essentiellement intra-africaine. En effet, 80% des migrants restent sur le continent et seulement 12% parviennent en Europe. Les autres partant ailleurs, selon des chiffres diffusés en 2018 à Rabat. L'Afrique du Sud serait la première destination d'émigration intracontinentale, suivie de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous, Mité Woutsi, pour la mise à l'onde au micro. Jean Bosco, Douimana, un très bon week-end. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'endroit d'où vous nous captez. Le commerce de la honte, titre le journal Iwachu. Il y rapporte que la police a mis la main sur 100 et une femme cachée dans une parcelle d'un quartier de Bujumbura en attente d'embarquement. Dans les colonnes de cet hebdomadaire, les défenseurs des droits humains parlent du trafic humain, de la traite des personnes, une forme moderne de l'esclavage et regrettent que ces femmes sont exploitées, parfois même sexuellement. Pour eux, poursuit le journal Iwachu, il existe bel et bien des réseaux bien implantés et organisés dans notre pays. Le verre est dans le fruit. L'organisation semble parfaite, estime-t-il, expliquant que ce groupe devrait voyager avec des documents officiels en passant par l'aéroport ou d'autres frontières. Dans ses enquêtes sur ce dossier, Iwachu a constaté que la plupart de ces femmes le font à l'insu de leur mari. Les élèves abandonnent les études et le mouvement prend une grande ampleur. Il faut que le réseau des trafiquants humains soit démantelé, conclut notre confrère d'Iwachu, qui trouve que c'est au prix de l'engagement de tous que l'on pourra mettre fin à ce commerce de la honte. Le port de Lumonge se dote d'un nouveau responsable, écrit la Nova. Agrippine Nduimana a été nommé depuis ce vendredi chef du port de Lumonge par Gérard Nyandwi, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire. Selon l'agence de presse en ligne La Nova, l'ancien responsable de cette structure portuaire qui vient d'être remplacée était pointé du doigt dans l'exigence des frais illicites aux commerçants qui passent par le port de Lumonge. Et par conséquent, déplore notre confrère, certains importateurs préféraient décharger leurs marchandises à Kawonga de la commune Nyanzalake en province Makamba. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse revient sur l'inauguration le jeudi 17 décembre de la 3e édition du Salon industriel par le président de la République, qui dans son discours de circonstance a soulevé l'engouement pour la création des entreprises vu l'étape franchie. évoquant que les entreprises encore en arrière qui sont celles engagées dans l'exploitation des minerais, la BP note par contre, avec le numéro 1 burundais, que les entreprises touristiques et de production alimentaire sont sur une bonne voie. Burundi Eco voit dans ce salon industriel une opportunité offerte aux entreprises pour développer leur potentiel commercial et rappelle le thème retenu à cet effet, l'industrie, facteur incontournable de développement économique. Plus de 60 exposants ont affiché la richesse et la diversité de l'économie locale et régionale. L'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique souligne que la mise en place de la politique nationale d'industrialisation et de la stratégie de sa mise en œuvre constitue un atout pour le secteur industriel. Dans 4 ans, l'Aubert sera doté de son propre immeuble, rapporte toujours Burundi Echo, puisque même le chef de l'État Évariste Ndayishimiye a procédé jeudi 17 décembre 2020 à la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble qui abritera ses services. Cet immeuble sera construit à Kigobe Sud, avenue du Japon, et sera doté de 12 niveaux selon les techniques modernes de construction et le coût de construction de cet immeuble est estimé à plus de 68 milliards de francs burundais. Il est financé par l'État, précise ce journal spécialisé dans les questions économiques et rappelle aussi que les services de l'OBR sont jusqu'à maintenant éparpillés dans plusieurs endroits. Obtenir une attestation de réussite à l'examen d'État, un parcours de combattant, constate le journal La Voix de l'enseignant, qui fait remarquer qu'au niveau national, c'est le Bureau des évaluations du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui est le seul organe qui délivre l'attestation de réussite ou de participation à l'examen d'État. Il se trouve à Bujumbura. Tout demandeur de ce document doit descendre sur Bujumbura pour l'obtenir. Le document est utilisé pour prendre une inscription dans les institutions d'enseignement supérieur ou pour concourir. Ce journal rappelle que les appels se font souvent au même moment, d'où de longues files d'attente et des attentes interminables pour l'obtenir. Peut-être que les nouvelles technologies pourraient aider à décentraliser le service qui délivre ce document, suggère cet hebdomadaire de l'éducation. Libération des CNL Angodi écrit Net Press qui rapporte que depuis le début du mois de décembre, le total des membres du parti CNL libéré est de 26 personnes et qu'ils sont des ressortissants des 3 communes à savoir Kiremba, Kashikanwa et Marangara, toutes de la province d'Ngozi au nord du pays. Certains parmi eux ont été emprisonnés peu avant la campagne électorale et d'autres pendant cette même période, précise son quotidien en ligne. Selon son confrère, Jonas Nahimana, représentant du CNL au niveau provincial, dit que c'est un sentiment de satisfaction. Il salue l'initiative de la juridiction d'Ngozi et demande une libération de tous les détenus politiques arrêtés à cet effet. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Marie-Claire Kazeneza et Eline Bel Nibigira. Excellent week-end à tous. À la prochaine.